Chapitre 11. Les dragons. Plongée dans l'eau fumante, Ophélie ressuscitait. En temps ordinaire, elle n'aimait pas beaucoup utiliser la baignoire de quelqu'un d'autre. Lire ces petits espaces d'intimité pouvait être embarrassant, mais elle profita pleinement de celle-ci. Ses orteils, que le froid avait rendus gourds comme de la pierre, venaient de retrouver une couleur rassurante au fond de l'eau. Assoupie par les vapeurs chaudes, Ophélie promenait un regard somnolent sur la longue bordure émaillée de la baignoire, sur la bouilloire en étain, sur les frises à fleurs de lys de la tapisserie et sur les beaux vases en porcelaine de la console. Chaque pièce du mobilier était une véritable œuvre d'art. « Je suis à la fois rassurée et préoccupée, ma fille. » Ophélie tourna ses lunettes embuées vers le paravent de toile où l'ombre de la tante Roselyne gesticulait comme dans un théâtre pour enfants. Elle épinglait son petit chignon, enfilait ses perles, repoudrait son nez. « Rassurée, reprit l'ombre de la tante, parce que cette arche n'est pas aussi inhospitalière que je le redoutais. Jamais je n'ai vu une maison aussi bien tenue. Et même si son accent me heurte un peu les oreilles, cette vénérable grand-mère est une crème. » Roselyne contourna le paravent pour se pencher sur la baignoire d'Ophélie. Ses cheveux blonds, tirés à quatre épingles, sentaient très fort l'eau de toilette. Elle avait coincé son corps étroit dans une belle robe vert sombre. La grand-mère lui en avait fait cadeau en dédommagement de sa machine à coudre cassée chez le garde-chasse. « Mais je suis préoccupée, parce que l'homme que tu t'apprêtes à épouser est un malotru, » chuchota-t-elle. Ophélie fit glisser ses lourdes mèches larmoyantes de ses épaules et fixa ses genoux, qui affleuraient de la mousse comme deux bulles roses. Elle se demanda un instant si elle ne devait pas raconter à sa marraine les mises en garde de Thorn. « Sors de là !» dit la tante Roselyne en claquant des doigts. « Tu deviens fripée comme un pruneau !» Quand Ophélie s'arracha de l'eau chaude de sa baignoire, l'air lui fit l'effet d'une claque froide sur tout le corps. Son premier réflexe fut d'enfiler ses gants de liseuse. Elle s'enroula ensuite volontiers dans le drap blanc que lui tendait sa marraine et se frictionna devant la cheminée. La grand-mère de Thorn avait mis plusieurs robes à sa disposition. Étendue sur le grand lit à baldaquin, telle des femmes alanguies, elle rivalisait de grâce et de coquetterie. Sans prêter l'oreille aux protestations de Roselyne, Ophélie choisit la plus sobre d'entre elles, une toilette gris-perle cintrée à la taille et boutonnée jusqu'au menton. Elle assit ses lunettes sur son nez et en assombrit les verres. Quand elle se vit ainsi guindée dans la glace, ses cheveux tressés sur la nuque, son négligé habituel lui manqua. Elle tendit le bras à son écharpe encore froide qui enroula ses anneaux tricolores jusqu'à sa place familière, autour du cou, sa frange balayant le tapis. « Ma pauvre nièce, tu es irrémédiablement dépourvue de goût !» s'irrita Roselyne. On frappa à leur porte. Une jeune fille en tablier et bonnet blanc s'inclina respectueusement. « Le repas est servi, si ces dames veulent bien me suivre !» Ophélie observa ce joli visage constellé de taches de sang. Elle essaya, sans y parvenir, de deviner son lien de parenté avec Thorn. Si c'était une sœur, elle ne lui ressemblait pas du tout. « Merci, mademoiselle, » répondit-elle en lui rendant sa salutation cérémonieuse. La jeune fille parut tellement interloquée qu'Ophélie pensa avoir commis un impair. Aurait-elle dû l'appeler cousine plutôt que mademoiselle, par délicatesse ? « Je crois que c'est une domestique !» lui souffla la tante dans l'oreille tandis qu'elle descendait l'escalier tapissé de velours. « J'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois de ma vie que j'en vois une de mes yeux. » Ophélie n'y connaissait rien. Elle avait lu des ciseaux de bonne au musée, mais elle pensait que ces professions-là avaient disparu avec l'ancien monde. La jeune fille les introduisit dans une vaste salle à manger. L'atmosphère y était plus sombre que dans le corridor avec ses boiseries brunes, son haut plafond à caissons, ses peintures en clair-obscur et les vitrages dormants qui laissaient deviner la nuit du parc entre deux résilles de plomb. Les chandeliers dissipaient à peine cette pénombre le long de la grande table et déposaient sur l'argenterie de fragiles éclats dorés. Au milieu de toutes ces ombres, une créature lumineuse trônait en tête de table au fond d'un fauteuil sculpté. « Ma douce enfant » accueillit-elle Ophélie d'une voix sensuelle. « Approche donc, que je vous admire. » Ophélie offrit maladroitement sa main aux doigts délicats qui s'étaient élancés vers elle. La femme à laquelle ils appartenaient était d'une beauté à couper le souffle. Son corps souple, voluptueux, faisait bruisser à chaque mouvement sa robe de taffetas bleu aux bandes de ruban crème. La peau laiteuse de son cou jaillissait du corsage, nimbé par un nuage blond. Un sourire aérien flottait sur ce visage doux, sans âge, et il était impossible d'en détacher les yeux une fois qu'il s'était posé sur lui. Ophélie dut s'y soustraire malgré tout pour contempler le bras satiné que la femme lui avait tendu. La sous-manche en tulle brodée laissait deviner par transparence un entrelacs de tatouages, ceux-là même que portait la grand-mère sur ses propres bras ainsi que les chasseurs des croquis d'Augustus. « J'ai peur d'être trop quelconque pour être admirée », murmura impulsivement Ophélie. Le sourire de la femme s'accentua, ce qui imprima une fossette dans le lait de sa peau. « Vous ne manquez pas de franchise, en tout cas. Voilà qui nous change, n'est-ce pas, maman ?» L'accent du Nord, qui avait des inflexions si dures dans la bouche de Thorne, roulait sensuellement sur la langue de cette femme et lui donnait plus de charme encore. Deux chaises plus loin, la grand-mère acquiesça avec un bon sourire. « C'est ce que je te disais, ma fille. Cette jeune personne est d'une candide simplicité. »« J'oublie tous mes devoirs, » se désola la belle femme. « Je ne me suis même pas présentée à vous. Bérénilde, la tante de Thorne. Je l'aime comme un fils, et je suis persuadée que je vais bien vite vous aimer comme ma propre fille. Vous pouvez donc vous adresser à moi comme à une mère. Prenez place, ma chère enfant. Et vous aussi, Madame Roselyne. » Ce fut quand Ophélie s'assit devant son assiette de soupe qu'elle prit conscience de la présence de Thorne attablée en face d'elle. Il s'était tellement fondu dans la pénombre ambiante qu'elle ne l'avait pas remarqué. Il était méconnaissable. Sa crinière, courte et pâle, ne batifolait plus comme de la mauvaise herbe. Il avait rasé la barbe qui lui mangeait les joues de telle façon qu'il n'en restait qu'un bouc taillé en forme d'encre. La grossière pelisse de voyage avait cédé la place à un étroit veston bleu nuit à haut col, d'où s'évadaient les manches amples d'une chemise impeccablement blanche. Ses habits raidissaient plus encore son grand corps maigre, mais ainsi Thorne ressemblait plus à un gentilhomme qu'à un animal sauvage. La chaîne de sa montre à gousset et ses boutons de manchette accrochaient la lumière des chandelles. Sa figure, longue et aiguisée, n'en était pas plus aimable pour autant. Il gardait les paupières résolument baissées sur sa soupe au potiron. Il semblait compter en silence le nombre d'allées venues entre sa cuillère et ses lèvres. « Je ne t'entends guère, Thorne, » observa la belle Bérénilde, une coupe de vin à la main. « Moi qui espérais qu'une touche de féminité dans ton existence te rendrait plus disert. » Quand il releva les yeux, ce ne fut pas sa tante qu'il dévisagea de plein fouet, mais Ophélie. Une lueur de défi brillait toujours dans le ciel plombé de ses prunelles. Ses deux cicatrices, l'une à la tempe, l'autre au sourcil, juraient presque sur la nouvelle symétrie de son visage bien rasé, bien peigné. Lentement, il se tourna vers Bérénilde. « J'ai tué un homme. » Il avait jeté cela d'un ton nonchalant, comme une banalité entre deux lampées de soupe. Les lunettes d'Ophélie blêmirent. À côté d'elle, la tante Roselyne s'étrangla au bord de la syncope. Bérénilde reposa sa coupe de vin d'un geste calme sur la nappe de dentelle. « Où ? Quand ?» Ophélie, elle, aurait demandé « Qui ? Pourquoi ?» « À l'aérogare, avant que je n'embarque pour Anima, » répondit Thorne d'une voix posée. Un disgracié qu'un individu mal intentionné m'a dépêché aux trousses. J'ai quelque peu précipité mon voyage en conséquence. Tu as bien fait. Ophélie se crispa sur sa chaise. Comment donc, c'était tout? Tu es un assassin parfait, passe-moi le sel. » Bérénilde perçut sa raideur. D'un mouvement plein de grâce, elle posa sa main tatouée sur son gant. « Vous devez nous juger effrayants, » susurra-t-elle. « Je constate que mon cher neveu, fidèle à lui-même, ne s'est pas donné la peine de vous mettre au parfum. » « Nous mettre au parfum de quoi ?» se formalisa la tante Roseline. « Il n'a jamais été question que ma filleule épouse un criminel !» Bérénilde tourna vers elle ses yeux d'une eau limpide. « Cela a peu à voir avec le crime, madame. Nous devons nous défendre contre nos rivaux. Je crains que beaucoup de nobles à la cour ne considèrent cette alliance entre nos deux familles d'un fort mauvais œil. Ce qui rend les uns plus forts affaiblit la position des autres, lui dit-elle doucement en souriant. Le plus infime changement dans l'équilibre des pouvoirs précipite les intrigues et les meurtres de couloirs. Ophélie était choquée. C'était donc cela la cour? Dans son ignorance, elle s'était imaginé des rois et des reines qui passaient leur journée à philosopher et à jouer aux cartes. La tante Roseline, elle aussi, semblait tomber des nues. Par les ancêtres, vous voulez dire que ce sont là des pratiques courantes? On s'assassine tranquillement les uns les autres et puis voilà? C'est un soupçon plus compliqué, répondit Bérénilde avec patience. Des hommes en queue de pie noire et plastron blanc entrèrent discrètement dans la salle à manger. Sans mot dire, ils remportèrent les soupières, servirent du poisson et disparurent en trois rondes jambes. Personne à table ne jugea digne d'intérêt de les présenter à Ophélie. Tous ces gens qui vivaient ici n'étaient donc pas de la famille? C'était cela, des domestiques? Des courants d'air sans identité? Voyez-vous, poursuivit Bérénilde en appuyant le menton sur ses doigts entrelacés, « notre mode de vie est quelque peu différent du vôtre sur Anima. Il y a les familles qui ont les faveurs de notre esprit, Farouk, celles qui ne les ont plus et celles qui ne les ont jamais eues. » « Les familles ?» releva Ophélie dans un murmure. « Oui, mon enfant. » Notre arbre généalogique est plus tortueux que le vôtre. Dès la création de l'arche, il s'est scindé en plusieurs branches bien distinctes les unes des autres. Des branches qui ne se mélangent pas entre elles sans réticence ou sans s'entretuer. Tout à fait charmant, commenta la tante Roseline avec deux coups de serviette sur sa bouche. Ophélie décortiqua son saumon avec appréhension. Elle était incapable de manger du poisson sans se coincer une arête dans la gorge. Elle regarda Thorn à la dérobée, mal à l'aise de le sentir juste devant elle, mais il accordait plus d'attention à son assiette qu'à toutes les convives réunies. Il mastiquait son poisson d'un air maussade, comme si y avaler de la nourriture lui répugnait. Pas étonnant qu'il fût si maigre. Ses jambes étaient tellement longues que, malgré la largeur de la table, Ophélie devait ramener ses bottillons sous sa chaise pour éviter de lui marcher sur les pieds. Elle remonta ses lunettes sur son nez et observa, cette fois-ci directement, la silhouette ratatinée de la grand-mère à côté de lui, qui mangeait son saumon d'un bon appétit. Qu'avait-elle dit, déjà, en les accueillant? Voici donc le sang nouveau qui vient au secours des dragons. Les dragons, souffla soudain Ophélie. « C'est le nom de votre famille ?» Bérénilde haussa ses sourcils bien épilés et consulta Thorn avec une expression étonnée. « Tu ne leur as rien expliqué? À quoi donc as-tu employé ton temps durant le voyage ?» Elle secoua ses jolies bouclettes blondes, mi-agacées, mi-amusées, puis elle lança à Ophélie une œillade pétillante. « Oui, ma chère enfant. » C'est le nom de notre famille. Trois clans, dont le nôtre, gravitent actuellement à la cour. Vous l'avez compris, nous ne nous apprécions pas beaucoup mutuellement. Le clan des dragons est puissant et redouté, mais petit par le nombre. Vous en ferez vite le tour, ma petite. » Un frisson dévala le dos d'Ophélie depuis la nuque jusqu'au bas des reins. Elle avait soudain un mauvais pressentiment quant au rôle qu'elle serait amenée à jouer au sein de ce clan. Apporter du sang nouveau. Une mère pondeuse. Voilà ce qu'ils envisageaient de faire d'elle. Elle considéra Thorn bien en face, sa figure sèche et désagréable, son grand corps anguleux, son regard dédaigneux qui fuyait le sien, ses manières cassantes. À la seule pensée de fréquenter cet homme de près, Ophélie laissa échapper sa fourchette sur le tapis. Elle voulut se pencher pour la récupérer, mais un vieillard en queue de pie surgit aussitôt de l'ombre pour lui en donner une autre. « Pardonnez-moi, madame, » intervint une fois encore la tante Roseline. « Êtes-vous en train d'insinuer que le mariage de ma nièce pourrait mettre sa vie en danger à cause de la lubie imbécile de je ne sais quel courtisan ?» Bérénilde disséqua son poisson sans se départir de sa placidité. « Ma pauvre amie, j'ai peur que la tentative d'intimidation dont Thorn a été l'objet ne soit que le maillon d'une longue chaîne. » Ophélie toussa dans sa serviette. Ça n'avait pas manqué, elle avait failli avaler une arête. « Ridicule !» s'exclama Roselyne en lui décochant un regard significatif. « Cette gamine ne ferait pas de mal à une mouche. Que pourrait-on redouter d'elle ?» Thorn leva les yeux au plafond, excédé. Ophélie, elle, collectionnait les arêtes sur le bord de son assiette. Sous ses dehors distraits, elle écoutait, observait, réfléchissait. « Madame Roselyne, » dit Bérénilde d'une voix soyeuse, « vous devez comprendre qu'une alliance conclue avec une arche étrangère est vécue comme une prise de pouvoir à la Citatielle. Comment vous expliquer cela sans trop vous choquer ?» murmura-t-elle en plissant ses grands yeux limpides. « Les femmes de votre famille sont réputées pour leur belle fécondité. » « Notre fécondité !» répéta la tante Roselyne, prise au dépourvu. Ophélie remonta encore ses lunettes qui tombaient sur son nez dès qu'elle penchait la tête pour manger. « Voilà, c'était dit. » Elle étudia l'expression de Thorn en face d'elle. Même s'il évitait soigneusement son regard, elle lut sur son visage le même dégoût que le sien, ce qui ne manqua pas de la rassurer. Elle vida son verre d'eau lentement pour se dénouer la gorge. Devait-elle annoncer maintenant, au beau milieu de ce repas de famille, qu'elle n'avait aucune intention de partager le lit de cet homme? Ce ne serait sans doute pas du meilleur effet. Et puis, il y avait autre chose. Ophélie ne savait pas quoi précisément, mais les cils de Bérénilde avaient frémi, comme si elle s'était obligée à les regarder dans les yeux en leur exposant ses raisons. Une hésitation, un non-dit, c'était difficile à déterminer, mais Ophélie n'en démordait pas. Il y avait autre chose. « En attendant, nous ignorions tout de votre situation, » finit par bredouiller la tante Roselyne d'une voix plus embarrassée. « Madame Bérénilde, je dois en référer à la famille. Cette donne pourrait remettre en question les fiançailles. » Le sourire de Bérénilde s'adoucit. « Vous l'ignoriez peut-être, Madame Roselyne, mais telle n'est pas l'idée de vos doyennes. Elles ont accepté notre offre en parfaite connaissance de cause. Je suis navrée si elles ne vous ont pas instruite de tout cela, mais... nous avons été obligés d'agir dans la plus grande discrétion pour assurer votre protection. Moins il y aura de gens au courant de ce mariage, et mieux nous nous porterons. Vous êtes libre, cela va sans dire, d'écrire à votre famille si vous doutez de ma parole. Thorn prendra votre lettre en charge. » La marraine était devenue très blanche sous son chignon serré. Elle tenait ses couverts avec une telle force que ses doigts en tremblaient. Quand elle planta sa fourchette dans son assiette, elle ne parut pas s'apercevoir qu'un flan au caramel y avait remplacé le saumon. « Je refuse qu'on assassine ma nièce à cause de vos petites affaires !» Son cri avait grimpé dans les aigus à la limite de l'hystérie. Ophélie en fut si remuée qu'elle oublia sa propre nervosité. À cet instant précis, elle réalisa à quel point elle se serait sentie seule et abandonnée sans cette vieille tante bougonne auprès d'elle. Elle lui mentit de son mieux. « Ne vous rongez pas les sangs. Si les doyennes ont donné leur aval, c'est qu'elles estiment que le péril ne doit pas être si grand pour moi. »« Un homme est mort, Nigaud !» Ophélie était à court d'arguments. Elle n'aimait guère le discours qu'on leur servait, elle non plus, mais perdre son sang-froid ne changerait rien à sa situation. Elle enfonça son regard dans les yeux de Thorne qui se résumaient à deux fentes étroites, le pressant muettement de rompre son silence. « Je compte beaucoup d'ennemis à la cour, » dit-il d'un ton âpre. « Votre nièce n'est pas le nombril du monde. » Bérénilde le considéra un moment un peu étonné de son intervention. « Il est vrai que ta position est déjà délicate à l'origine, indépendamment de toute considération nuptiale. » acquiesça-t-elle. « Évidemment, si ce grand ahuri étrangle tout ce qui bouge, je conçois aisément que les amitiés n'affluent pas à sa porte. » ajouta Roseline. « Qui reprendra du caramel ?» se hâta de proposer la grand-mère en s'emparant de la saucière. Personne ne lui répondit. Sous la lumière vacillante des chandelles, un éclair avait filé entre les paupières de Bérénilde et les mâchoires de Thorne s'étaient contractées. Ophélie se mordit la lèvre. Elle comprit que, si sa tante ne réfrénait pas bien vite sa langue, on se chargerait de la faire taire d'une façon ou d'une autre. « Veuillez pardonner ce débordement, monsieur, » murmura-t-elle alors en s'inclinant devant Thorne. La fatigue du voyage nous met un peu à fleur de peau. La tante Roseline allait protester, mais Ophélie lui comprima le pied sous la table tout en gardant son attention rivée sur Thorne. Vous vous excusez, ma reine. Et moi aussi. Je me rends compte maintenant que toutes les précautions que vous avez prises tantôt, monsieur, ne visaient qu'à notre sécurité, et je vous en suis reconnaissante. Thorne la dévisagea d'un air circonspect, arquant du sourcil, sa cuillère en suspens. Il prenait les remerciements d'Ophélie pour ce qu'ils étaient, une simple politesse de façade. Elle posa sa serviette et invita Roseline, suffoquée, à se lever de table. « Je crois que nous avons besoin de nous reposer, ma tante et moi. » Du fond de son fauteuil, Bérénilde adressa à Ophélie un sourire appréciateur. « La nuit porte conseil, » philosopha-t-elle.